Chapitre 6e, chant de sirène. Le lendemain, à sa sortie de l'hôpital, Karim est abordé par deux hommes en civil. Il lui ordonne avec une courtoise fermeté de les suivre. Il recule d'un pas, effrayé, et regarde rapidement autour de lui. La présence de passants le tranquillise un peu. Alors il dévisage les deux inconnus, puis leur demande « Qui êtes-vous » « N'aie pas peur, » répond l'un des deux avec calme. « Nous sommes de la police. » Il sort d'une poche de sa veste une carte et la montre à Karim. « Je dois d'abord informer ma mère, » réplique ce dernier. « Elle m'attend, et je ne veux pas lui causer une trop forte inquiétude. Je n'ai pas l'habitude d'être en retard sans l'avertir. »« Tu peux, » lui dit le même personnage. Karim prend son portable, forme un numéro et parle. « Maman, ne t'inquiète pas. Deux agents de police sont devant la porte d'entrée de l'hôpital. Ils me demandent d'aller avec eux au commissariat. À peine fini, je rentrerai. » La vieille mère s'alarme vivement. « Mais pourquoi ? Pourquoi ? Quel commissariat ?» Il s'adresse au policier qui avait parlé. « Elle me demande pourquoi je dois aller avec vous et à quel commissariat. »« Passe-moi ton téléphone, » lui propose l'autre. Karim le donne au policier. « Al-Hadja, Al-Hadja, pas de problème. Le commissaire doit demander quelques informations à ton fils, rien d'autre. Surtout ne t'inquiète pas. » Environ une heure après, Karim entre dans un bureau de police. Il est soulagé de n'avoir pas été emmené dans un appartement camouflé de la police, ce qui aurait été grave. Dans un bureau, il est accueilli avec courtoisie par un homme en civil dont il ignore l'identité. En fait, c'est le patron de Zaya. Sur l'invitation de ce dernier, Karim s'assoit en face de lui. Le policier le dévisage un certain temps. Karim soutient, avec une apparente tranquillité, cette investigation visuelle. « Alors, Karim, comment va ton travail ?» demande le policier d'un ton affable. Karim décide de jouer franc jeu. « Je n'ai rien à cacher, » se dit-il. « Ça va, » répond-il, « à part quelques problèmes. » « Lesquels ?»« Les conditions de travail méritent d'être nettement améliorées, pour mieux soigner les malades. » L'autre ne semble pas s'être attendu à une réplique aussi nette et directe. « Ah !» réagit-il. Vite, il se reprend et adopte la même tactique. « Et ton salaire est-il suffisant ?»« Je pense qu'il mérite lui aussi d'être amélioré. » vu l'inflation des prix. Immédiatement, il ajoute « Également le salaire des autres, surtout les travailleurs du bas de l'échelle hiérarchique. » Le policier le dévisage un instant en réfléchissant. « Rude l'animal, » estime-t-il. Alors, au but tout de suite, il se rine. « Que diras-tu alors d'être promu chef des infirmiers ? Ainsi, ton salaire sera amélioré. » Très surpris, Karim active ses ménages au maximum. Ensuite, il réplique toujours apparemment calme. « Je pense que notre collègue mérite davantage cette promotion. Il a 20 ans d'expérience par rapport à mes quelques années. En plus, il est marié et doit nourrir 4 enfants. Cependant, toi, tu es le plus dynamique. Et tu ne gagnes rien à perdre ton temps à faire des choses inutiles. Lesquelles ? Nettoyer l'espace devant ton immeuble, par exemple. C'est une action utile pour nous tous. Il y a des gens payés pour exécuter ce travail. Ils ne le font pas convenablement. Tu sais bien que chez nous, les gens n'aiment pas travailler, mais uniquement recevoir un salaire. La fainéantise de nos compatriotes est connue. Eux, cependant, disent « Le patron fait semblant de nous payer la journée. En réalité, il nous paye la moitié. Et nous, alors, nous faisons semblant de travailler une journée. En réalité, nous en travaillons la moitié. » Le policier encaisse avec un rictus, puis, du même ton, cordialement paternaliste. « Je sais que tu es au syndicat. Peut-être tu t'actives également ailleurs. Puis-je savoir où ? » Karim déploie tous ses radars pour capter les motifs de cet interrogatoire. Il répond avec simplicité « Je m'active seulement au syndicat. » Une légère réaction narquoise déforme les lèvres de l'interrogateur. « Tu fréquentes aussi un comité de chômeurs, n'est-ce pas ?» Étonné par cette affirmation, Karim ne sait quoi répondre. « Évidemment, leurs mouchards sont partout. Mais qui est-ce ? » Il confirme « J'y suis allé une fois. Pourtant, tu n'es pas chômeur. Alors puis-je savoir pourquoi tu es mêlé à ce comité ? Pour m'informer de leur situation, par solidarité. » Le policier scrute, d'un regard devenu plus perçant, les yeux de Karim, dans l'intention de comprendre sa personnalité, plus exactement son point faible. L'observé maintient son attitude en apparence tranquille. L'interrogateur reprend, d'un ton sous-volant très aimable, « Est-ce que toutes ces activités, au syndicat, au comité de chômeurs, au nettoyage de la place, augmente ton salaire. Au syndicat, je l'espère. Pourquoi ne pas obtenir ce résultat plus facilement et immédiatement ? Comment ? En devenant le chef des infirmiers. Cela n'est pas juste. J'ai déjà dit qu'un collègue le mérite davantage. Cependant, je répète, toi, tu es plus dynamique, plus intelligent pour diriger des hommes. C'est de cela que l'hôpital a besoin. Et l'État aussi a besoin d'hommes intelligents et dynamiques. Et j'ajouterai, ambitieux, pour développer le pays. Il précise, avec ce qu'il croit être un sourire, où Karim voit une grimace, par ambition, je veux dire, qui savent où leur intérêt. Finalement, Karim comprend. Ah, je vois maintenant ce que tu veux, misérable. Il répond, cachant son indignation derrière une façade sereine. Je connais assez mon collègue pour savoir qu'il sera un meilleur chef infirmier que moi. Il est compétent et tout autant honnête. Karim souligne ce dernier mot. Si l'une de ces deux, même insistant sur le mot « qualité » manque, impossible de développer notre pays. Le policier dévisage encore une fois Karim en réfléchissant. Il conclut. « Bon, je comprends. » En réalité, pour le policier, ces trois mots signifient « peut-être, il veut plus ». Il revient à la charge. L'hôpital a également besoin d'un responsable pour la gestion des ressources humaines. Ce poste permettra de doubler, oui, doubler ton salaire et d'exercer ton activité selon un horaire de jour nettement plus convenable que faire l'infirmier et passer des nuits à l'hôpital. Karim baisse les yeux. Le salaud, il me croit un harki. Maîtrisant sa colère, il regarde de nouveau l'homme. « Je ne peux accepter, » dit-il posément. « Pourquoi ?»« Parce que les choses à changer sont telles que la direction n'y consentira pas. » Le policier simule un franc rire, puis, mi-plaisantin, mi-sérieux, « Tu vas faire la révolution ?»« Non, simplement contribuer dans la mesure de mes possibilités à l'établissement de la justice. » »« Les êtres humains sont ce qu'ils sont, c'est leur nature. On ne peut faire que ce que l'on peut. Le reste dépend de Dieu Tout-Puissant. » Si l'on apprend à faire ce que l'on doit, conteste Karim en mettant en relief le dernier mot, je pense que tout irait mieux. Que veux-tu dire par on doit? Pratiquer l'équité entre tous, sans distinction. Dieu a créé les différences, objecte l'autre, à nous de les respecter, il ajoute. À moins d'être un mécréant, j'espère que tu ne l'es pas. Karim maîtrise un sursaut de révolte. Les salauds, ils s'arrangent toujours pour justifier leurs infamies par l'évocation de Dieu. Tu ne m'as pas répondu. Insiste le policier. « La relation entre Dieu et moi, » réplique Karim en s'efforçant de paraître calme, « ne regarde que moi et ma conscience. »« Ah, le petit malin !» juge le policier en retenant sa colère. « À présent, une dernière question. Que penses-tu de l'État, notre État ?»« Nous y voilà. » Le regard de Karim se dirige vers le portrait du président du pays, trônant derrière et au-dessus de la tête de son serviteur. Karim a toujours méprisé cette photo, à cause du regard méprisant du photographié et du maintien altier, arrogant, de son corps. Les yeux de Karim reviennent vers le policier. « Je pense, dit Karim, que l'État a le devoir de servir le peuple. Sur les frontons de nos communes, on a justement écrit « Par le peuple et pour le peuple ». L'État n'applique-t-il pas ce principe? Pas suffisamment. Alors il faut l'aider. En bon citoyen que nous sommes, je m'efforce dans ce sens. Tu peux mieux le faire. Comment ? En acceptant la proposition de devenir responsable des ressources humaines. Franchement, je ne pense pas être la personne indiquée. Qui serait-elle ? Il appartient aux responsables les plus haut placés de la trouver. S'ils sont compétents et honnêtes, ils trouveront la personne qu'il faut. Le policier en vient à la provocation. Tu ne veux donc pas monter dans la hiérarchie sociale ? Non. Ce que je veux, c'est améliorer l'estime de soi-même. L'argent n'est-il pas la mesure ? Pas pour moi. C'est quoi alors ? Pratiquer la justice entre les êtres humains. Écoute, réagit le policier d'un ton conciliant. Tu es intelligent, jeune, et notre pays a besoin de gens comme toi. Aussi, je te laisse penser à ma proposition. J'espère que tu finiras par l'apprécier. Dans ce cas, il te suffit de revenir ici et de demander à parler à Si Aziz. C'est mon nom. D'accord. Au moment où Karim se lève, l'homme ajoute, avec une affabilité perçue par Karim comme étant celle du loup face à l'agneau, afin de le dévorer. Tu es jeune, 25 ans, tu tiens la vie à ton futur, n'est-ce pas ? Le mot vie ébranle brusquement Karim. Menace ? Néanmoins, il répond avec flegme. Certainement, mais dans la dignité. Annif, le nez, symbole de l'honneur. Comme dit notre peuple. Le policier le considère un bref instant, puis prends le temps de penser à la proposition pour améliorer la vie et celle de ta famille. Cela aussi fait partie du NIF. À chacun le NIF qu'il mérite. Karim préfère ne pas exprimer à haute voix cette pensée, en quittant celui qu'il considère l'usurier des âmes, et son méprisable chant de sirène.